Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans un ouvrage intitulé « Lire Monique Wittig aujourd'hui », paru en 2012, Benoît Auclair et Yannick Chevalier éclairaient les raisons pour lesquelles cet écrivain demeurait en France si peu lu, alors qu'elle est très reconnue aux États-Unis. Féministe, matérialiste et lesbienne, l'œuvre wittigienne déroute sans nul doute à ses trois titres, expliquait-il. Pour dire l'importance qu'eut Monique Wittig dans le mouvement féministe en France, il suffit de rappeler qu'elle fut la rédactrice du manifeste paru dans l'Idiot International en mai 1970, dont le titre original était « Pour un mouvement de libération des femmes » et qui fut l'un des détonateurs du dit mouvement. Son œuvre littéraire comprend entre autres « L'Opoponax » couronné par le prix Médicis en 1964, « Les guerrières » en 1969, Le corps lesbien en 1973 ou encore Brouillon pour un dictionnaire des amantes, écrit avec sa compagne Sandy Zeig en 1976. Autant d'écrits de fiction qui s'articulent étroitement à une réflexion théorique rassemblée en particulier dans La pensée straight, paru d'abord aux États-Unis et traduit en français pour la première fois aux éditions Balan en 2001. Des textes dans lesquels elle analysait l'aspect fondateur de la naturalité supposée de l'hétérosexualité au sein de nos structures de pensée et mettait toujours le fait qu'elle était, de facto, un régime politique. Le 17 mars 2018, pour un volet de l'émission Une vie, une œuvre, Clémence Alzard donnait à entendre la cohérence et la richesse d'une œuvre qui reste à découvrir. Je me souviens que j'ai pris une décision consciente quand j'avais 12 ans. Que je ne me marierai jamais et qu'en ne me mariant pas, je ne deviendrai pas une femme. Et en tout cas, j'échapperai à la dépendance des femmes, donc je ne deviendrai pas une femme, je n'aurai pas une vie de femme qui sert à un homme, qui n'a pas de vie à elle. Et donc je ne me marierai pas. Et je crois que peu de temps après, j'ai pris connaissance du code des lois, et je l'ai oublié maintenant, mais. Il y avait des clauses sur la tutelle qui ne frappaient que les femmes mariées, ce qui existe depuis l'origine du code Napoléon, puisque à ce moment-là, les femmes étaient assimilées aux mineurs et aux fous. Mais seulement les femmes mariées, je me suis toujours demandé, mais alors pourquoi les femmes se mariaient Et je me suis rendu compte que sans doute il fallait résister à une certaine pression sociale pour ne pas le faire, mais je ne l'ai pas compris tout de suite, évidemment. Une vie, une œuvre, Monique Wittig, Clémence Alzard et Guillaume Baldi. Je ne sais pas comment les gens décident d'écrire un jour ou l'autre. Pour moi, ça a été très lié effectivement au fait que j'étais une femme et que je n'avais pas envie de vivre comme ma mère, comme je voyais les femmes vivre autour de moi. Je vivais dans un milieu provincial où il n'était pas question de sortir de la famille, où j'étais promise à un avenir très précis et qui ne me plaisait pas. Donc j'avais décidé de faire quelque chose. Je ne savais pas quoi. Je voulais faire quelque chose d'autre. Monique Wittig disparaît brutalement à l'âge de 67 ans à Tucson, Arizona. Écrivain et essayiste, elle est une icône outre-Atlantique. En France, sa vie et son œuvre nous parviennent par bribes. Elles sont des puzzles à reconstituer et il faut s'accommoder des silences. À sa mort, sa sœur cadette, Gilles, publie et légende des photos de famille dans un court ouvrage qu'elle intitule « Ma sœur sauvage ». Elle y retrace leur enfance commune, la campagne alsacienne ou avéronaise, la famille traditionnelle, modeste, catholique et pratiquante. Elle écrit « Monique tourne en rond dans le jardin, comme un petit cheval rétif, les cheveux au vent. Elle tourne autour de mon fauteuil en osier, grattant le sol. Tu es toujours assise, viens, nous allons courir. » Elle tourne, retourne jusqu'à la grille en fer forgé, s'y accroche, galope, court, s'ébroue, court, fait des cabrioles pour m'épater, m'appâter. Sors de ton fauteuil, allons courir ensemble. » Autant que Gilles s'en souvienne, Monique lit tout le temps et la nuit surtout. En 1964, paraît son premier roman, L'Opoponax, aux éditions de Minuit. Monique Wittig devient une nouvelle romancière. débute aussi une longue amitié avec Nathalie Sarraute qu'elle admire beaucoup. Pour les deux auteurs, nos corps sont transformés par les effets des mots. Dans l'Opoponax, on suit des petites filles qui écrivent à la plume, récitent leurs leçons d'histoire, rejouent des épopées, deviennent adolescentes. L'autobiographie de tout le monde, écrit Wittig, mais aussi, surtout, des petites filles, sujets actifs. Pour Wittig, la révolution passe par l'épistémé. C'est dès l'intérieur de la langue qu'elle veut miner l'ordre établi, neutraliser le genre, en ôter la marque. Dès l'Opoponax, le langage est sa machine de guerre. J'ai commencé à lire l'Opoponax. Catherine et Carnot. Bon, alors, en fait, pour ma vie personnelle, moi, j'avais commencé à vivre vraiment mon lesbianisme à ce moment-là, à peu près. Alors, quand j'ai ouvert, j'ai vu le petit garçon qui s'appelle Robert Payen dit qu'il veut voir ma quéquette. Alors, ça m'a pas... J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas le moment pour moi. Et bon, enfin, ça continue pas tellement comme ça. Bon, il a fallu un certain temps après que j'y revienne. Le petit garçon qui s'appelle Robert Payen entre dans la classe le dernier en criant « Qui c'est qui veut voir ma quéquette? Qui c'est qui veut voir ma quéquette ?» Il est en train de reboutonner sa culotte. Il a des chaussettes en laine beige. Ma sœur lui dit de se taire « Et pourquoi tu arrives toujours le dernier ?» Ce petit garçon qui n'a que la route à traverser et qui arrive toujours le dernier. On voit sa maison, de la porte de l'école, il y a des arbres devant. Quelquefois, pendant la récréation, sa mère l'appelle. Elle est à la dernière fenêtre, on l'aperçoit par-dessus les arbres. Des draps pendent sur le mur. « Robert, viens chercher ton cache-nez !» Elle crie fort de façon à ce que tout le monde l'entende, mais Robert Payen ne répond pas, ce qui fait qu'on continue d'entendre la voix qui appelle « Robert, Robert !» La première fois que Catherine Legrand est venue à l'école, elle a vu de la route, la cour de récréation, l'herbe et les lilas au bord du grillage. C'est du fil de fer lisse qui dessine des losanges. Quand il pleut, les gouttes d'eau glissent et s'accrochent dans les coins. C'est plus haut qu'elle. C'est quand même le récit d'une venue à l'écriture. Donc c'est vraiment l'autobiographie d'un écrivain, puisque Catherine Legrand commence à écrire... Exactement comme écrit Wittig, d'ailleurs. Elle écrit en prenant des citations qu'elle isole, etc. Et quand on sait l'importance de l'intertextualité dans son écriture, voilà. Bon, c'est déjà faire d'écrivain, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Compagnon de prélever, puis de réunir, etc. Bien sûr, c'est ce qu'elle fait. Et puis elle écrit aussi pour... nommer l'Opoponax, pour nommer son sentiment pour Valérie Borges, elle est amoureuse d'une fille, elle a même pas mal de ressemblances avec l'auteur, en tout cas. Hein. Y compris, bon, Monique Wittig, elle disait non, c'est universel, c'est n'importe où, mais en fait, oui, bon, ma mère qui est franc-comtoise me dit ça se passe en Franche-Comté. Et puis, en fait, Gilles m'a dit que oui, en effet, elles ont habité en Franche-Comté quand elles étaient petites. Y compris des choses comme ça. Enfin, on voit bien qu'on est dans une campagne française, en fait. Hein? Mademoiselle parle de Charlemagne, qui s'est fait empereur en l'an 800, depuis le début de la leçon d'histoire. Mademoiselle dit que Charlemagne a fait des écoles. Elle dit que dans l'école de son palais, les enfants des pauvres pouvaient aller avec les enfants des riches. On voit sur l'image, en couleur du livre d'histoire, que Charlemagne est debout, avec une robe, et qu'il a le bras passé derrière le dos d'un enfant des pauvres, et que cet enfant a un rouleau dans la main, et qu'il lève la tête du côté de Charlemagne. Peut-être qu'il est en train de lui parler. On voit que c'est un enfant des pauvres parce que l'ourlet de sa robe n'est pas partout à la même hauteur par rapport au plancher. Charlemagne montre, avec l'index de la main, qui n'est pas dans le dos de l'enfant des pauvres, un enfant des riches, qui a une robe, avec un ourlet droit. Mademoiselle dit qu'il a l'air embêté. Elle dit que Charlemagne lui fait des remontrances et lui demande comment ça se fait qu'un enfant des pauvres travaille mieux que lui. On voit derrière Charlemagne d'autres enfants serrés les uns derrière les autres et de plus en plus petits. Il n'y a pas de petite fille sur l'image. On a une sorte d'impression que ça... Isabelle Lasson. Je dirais pas naturel, mais que ça parle comme ça, comme les enfants. Mais toute la syntaxe est complètement tout le temps inversée. Donc si tu apprends... Tu apprends quelque chose qui n'est pas une phrase une phrase traditionnelle, je veux dire, là, ça saute d'abord d'une chose à l'autre, magnifiquement, mais surtout, le verbe n'est pas à l'endroit où doit être le verbe, c'est d'une invention permanente, mais d'une invention, j'allais dire, presque comme atonale, on dirait en musique. Et alors que quand tu l'entends, t'as vraiment cette impression que ça coule, ça rebondit, c'est comme ça décrit, ça parle à la place d'eux, ça. Mais c'est génial parce que l'écriture est inventive. La langue est tatillonne tout le temps. Donc quand tu apprends, comme t'as des mécanismes un peu débiles de phrases classiques, t'es obligé de te dévier en permanence d'un classicisme de langue, d'apprentissage. Catherine Legrand ouvre le carnet et écrit à la première page: tout à part moi en mon pensée m'enclos. Plus bas, Catherine Legrand fait des dessins. Elle essaye de représenter l'opoponax, mais ça ne donne rien. C'est pour ça que Catherine Legrand prend la décision de remplacer les traits par les mots. Elle écrit donc en lettres capitales en haut, au milieu de la deuxième page, opoponax, et deux points suivis de peut s'étirer. On ne peut pas le décrire parce qu'il n'a jamais la même forme. Règne ni animal, ni végétal, ni minéral, autrement dit indéterminé. Humeur instable, il n'est pas recommandé de fréquenter l'opoponax. Catherine Legrand va à la ligne, où elle écrit de nouveau en capitale « Petite histoire des manifestations de l'opoponax ». Après ça, elle va à la ligne pour écrire « Exemple » en gros, puis « Deux points », puis « On est derrière son pupitre ». Ma mère de l'enfant Jésus, ou Mademoiselle Granger, ou ma mère de Saint-Jules, ou ma mère de Saint-Hippolyte frappe plusieurs fois avec sa règle pour avertir qu'on a à fermer son pupitre. Vous avez été élevée chez les bonnes sœurs? En partie seulement. Ensuite, je suis allée dans un lycée mixte. Vous voyez, ça change. Ah, ça change un peu, évidemment. Mais enfin, c'est le souvenir des bonnes sœurs qui se trouvent dans l'opoponax. Oui, c'est ça. C'est un peu comme l'animal qui pèse sur la poitrine. En Alsace, il y a un petit animal. Ah, voilà une chose que j'allais oublier, vous êtes alsacienne. Il y a un petit animal en Alsace, il s'appelle le petit homme qui presse, c'est-à-dire, c'est plutôt un petit nain, un petit homme qui presse sur la poitrine. Vous me disiez que vous étiez placée un peu comme une caméra par rapport à un public, à un paysage, à des personnages. Oui, je crois que c'est une chose que quelques personnes du nouveau roman ont déjà dit, par exemple, mais je crois que c'est un peu ça. On finit par être influencé par la technique cinématographique. C'est un peu le contraire de ce qu'on disait autrefois. On disait le cinéma est influencé par le théâtre, le roman, n'importe quoi. Mais je crois que maintenant, il y a suffisamment de choses pour qu'il y ait un mouvement de bascule et que nous qui écrivons, nous subissons une grande influence. Enfin, je crois. J'aimerais maintenant, Monique Wittig, que vous nous donniez un semblant de conclusion, car vous le savez, nos auditrices sont très curieuses et elles voudraient au moins savoir comment, dans quelle atmosphère se termine le livre. Mais je crois que plus le livre avance, plus il y a des thèmes qui s'amorcent, puis qui retombent. Et plus on approche de la fin, plus il y en a un qui devient précis. Je crois que c'est celui d'une amitié un peu plus exclusive d'une petite fille pour une autre petite fille. Et alors, à la faveur de cette amitié, les choses deviennent autres pour elle. Et je crois que dans le dernier chapitre, tous les thèmes sont repris et aussi celui de cette amitié. Je vous rappelle le titre du roman de Monique Wittig, L'opoponax. Je vous dis maintenant bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, et n'oubliez pas, lundi, rendez-vous à 5h. Je suis l'opoponax, elle dit, en reprenant le terme de la Bible, je suis Jéhovah. Mmh. Elle reprend toujours ça. Elle dit vraiment, je suis le sujet principal. Mmh. Puisqu'elle reprend le truc de je suis Jéhovah, je suis l'opoponax. Mmh. Et c'est elle, c'est le long. Monique Wittig, 1970, archives personnelles de Josie Thibault. Attendez, c'est l'histoire d'un amour entre la petite fille. Personne n'en a parlé du tout. Vraiment, c'est intéressant. Et la dernière phrase se termine, c'est la seule phrase où on dit je et on dit le passé. Tant je l'aimais, quand elle encore je vis. C'est vraiment très précis. Mmh. On ne peut pas être plus précis. Ce qui a été compris, c'est l'enfance. Voilà. Mmh. L'enfance recréée. Je voulais bien sûr faire passer à travers l'enfance, une enfance de petite fille recréée, tu vois, active, pas passive, enfin. Oui. Donc c'était bien un projet politique, mais... On entend qu'on plaisante à cause de l'enterrement de Mademoiselle Caylus. Marie-Josée Brou dit en riant qu'on va se partager ce que Mademoiselle Caylus a laissé. Marguerite Marie Lemonial dit qu'elle veut son râtelier. Marielle Balland dit qu'elle veut sa canne. Ma mère de Saint-Jules leur dit de se taire. On entend la messe des morts dans l'église de Fougerolles. On a l'impression que les murs, les piliers, les bancs, tout est glacé. On grelotte. La messe est chantée par les gens du village. On grelotte dans le cimetière. Il y a de l'eau au fond de la fosse. On voit le cercueil qu'on descend qui s'enfonce avec un clapotement. Alors, Marielle Ballon, Marguerite-Marie Lemonial, Anne-Marie Brunet, Denise Cosse, Marie-Josée Brou se mettent à pleurer. Le cimetière est à l'abandon. Les tombes sont couvertes d'herbes, de marguerites, de coquelicots. Il y a des coquelicots partout sur la butte du cimetière. On voit leurs corolles affaissées que le vent plie. On voit les croix en bois dont pas une ne semble verticale. Elles sont arrachées de la terre. Certaines sont à l'oblique, certaines sont tombées en travers du tertre où on devine une tombe. Il n'y a pas d'inscription sur les tertres, pas de nom. Il tombe de la neige fondue. On enfonce dans la boue. Les coquelicots sont mouillés. On est debout. On serre les mains des parents de Mademoiselle Caylus. On dit « Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. On dit « Tant je l'aimais qu'en elle encore je vis. » Il y a quelque chose aussi chez Wittig. Moi, je pense que c'est aussi une chose qui était très importante pour moi, c'est qu'elle a une défiance à l'égard du « je », du sujet, qui est vraiment... Oui, c'est passionnant. Hein, parce qu'il y a toujours une réflexion autour du sujet. Dire « je », on voit bien, l'Opoponax, c'est une autobiographie d'enfance. Bon, le pronom dominant, c'est un... Il n'y a pas de « je ». Il y a un « je » à la fin de l'Opoponax, mais en passant par un poème de Sève. « Tant je l'aimais qu'encore en elle je vis ». Extrait de l'Élie de Sève. Tant je l'aimais. Tant je l'aimais, en elle encore. En elle encore je vis. Alors, bon, c'est un jeu qui émerge. Bon, on peut en trouver d'autres, mais bon, c'est prêté à des personnages qui parlent. C'est des discours rapportés. Là, c'est un jeu qui émerge. Effectivement, c'est une citation. C'est un jeu devant j'aime. Hein, donc, bon, effectivement, c'est important. C'est très significatif. Il faut remarquer que non seulement il est dans une citation, mais il vient après une autre citation où là, ce qui domine dans l'invitation au voyage, c'est la deuxième personne, c'est l'interlocutrice. Le prix Médicis 1964 a été décerné au deuxième tour de scrutin à Monique Wittig pour son livre L'Opoponax, par 9 voix contre 1 à Brice Parrain pour son livre Joseph, 1 à Daniel Anselme pour les relations et une abstention. C'est une toute jeune femme, une toute petite femme, un petit bout de femme, pourrait-on dire, qui a l'air d'une jeune écolière, qui semble ne pas avoir plus de 18 ans, et qui vient de recevoir le prix Médicis pour son livre « L'Opoponax ». Monique Wittig, « L'Opoponax », qu'est-ce que c'est ? C'est un livre, mais encore. C'est une question qu'on se pose souvent, on connaît la réponse, mais on l'oublie. Qu'est-ce qu'un Opoponax ? C'est inévitablement ce que va demander Jean Bouvier à l'auteur du roman qui porte ce titre, L'Opoponax, une jeune fille jolie, petite, bottée et timide. 1964, Marguerite Duras saluera un chef-d'œuvre, dira que L'Opoponax est l'exécution capitale de 90% des livres qui ont été écrits sur l'enfance. C'est la fin d'une certaine littérature, écrit-elle encore, et elle en remercie le ciel. Mais si critiques dithyrambiques et entretiens se succèdent, le lesbianisme et la dimension politique et féministe de l'ouvrage sont comme passés sous silence. 1968. Mai. Les mouvements de gauche envahissent la rue. Monique Wittig en est. C'est dans ce contexte qu'elle compose son second roman, construit comme un poème épique. En 1969, paraît Les guerrières. Elles disent qu'elles ont la force du lion, la haine du tigre, la ruse du renard, la patience du chat, la persévérance du cheval, la ténacité du chacal. Elles disent « Je serai la vengeance universelle ». Elles disent « Je serai l'Attila de ces féroces despotes, cause de nos pleurs et de nos souffrances ». Elles disent « Et quand par bonheur toutes voudront se rallier à moi, chacune sera Néron également et mettra le feu dans Rome ». Elles disent « guerre à moi !» Elles disent « guerre en avant !» Elles disent qu'une fois qu'elles auront les armes à la main, elles ne les abandonneront pas. Elles disent qu'elles secoueront le monde comme la foudre et le tonnerre. Dans les guerrières, il y a un nouveau pronom qui apparaît, c'est le « elle » au pluriel. Il y a tout de même un collectif féminin anonyme, bon, sujet principal, sujet au sens que le pronom est sujet, hein. Sujet principal d'une épopée, en plus, une sorte d'épopée, c'est exceptionnel. Du reste, elle a fait une sorte de... La composition est quand même particulière, puisque pour que ce L puisse arriver dès les premières pages, il y a trois parties dans les guerrières. Dans les deux premières parties, il n'y a que elle. Il n'y a pas de... c'est ça aussi, encore un L au pluriel, anonyme. Mais un L, pluriel ou pas d'ailleurs, sans masculin, sans il, c'est quand même très particulier. Ce qui fait que ce L peut être perçu comme général, et pas comme une féminisation, justement. Donc ouais. Elle dérobe au il l'universalité. Voilà, c'est ça. Et en fait, au point de vue de la chronologie de l'histoire, d'une façon un peu floue quand même, mais c'est la dernière partie du livre, la dernière partie textuellement, qui est la première. Parce que dans cette dernière partie, il y a un combat entre elle et au pluriel, et il au pluriel, il y a vraiment la guerre, hein, avant l'épopée. Toutes ces femmes qui parlent ensemble, elles disent que, elles remettent en question ensemble, puis elles combattent, puis elles gagnent, et puis en plus elles vont jusqu'à se redéfaire du pouvoir après une fois qu'elles l'ont, que j'aille pas, moi, faire la même chose que ce qu'on m'a fait, j'aurais honte, qu'on n'attende pas de moi, femme, alors c'est une des rares fois où on voit dans l'œuvre de Wittig le mot femme, que j'aille dire du mal des hommes quand ils auront cessé d'être mes ennemis, enfin il y a une force également philosophique, poétique, extraordinaire. Elles disent qu'elles ne veulent pas être prisonnières de leur propre idéologie. Elles n'utilisent pas pour parler de leur sexe des hyperboles, des métaphores. Elles ne procèdent pas par accumulation ou par gradation. Elles ne récitent pas les longues litanies dont le moteur est une imprécation sans fin. Elles ne s'efforcent pas de multiplier les lacunes de façon que dans leur ensemble elles signifient un lapsus volontaire. Elles disent que toutes ces formes désignent un langage suranné. Elles disent qu'il faut tout recommencer. Elles disent qu'un grand vent balaie la terre. Elles disent que le soleil va se lever. Cela se passait le dimanche de la fête des mères à Paris, au rond-point des Champs-Élysées. Dans un beau pays comme la France, c'est dégueulasse de laisser faire ça. C'est une honte. Et ce qui est encore mieux, c'est tous les gens qui les regardent qui disent rien. C'est ça qui est la honte. Vous en êtes, madame? Oui, mais il faudrait être plusieurs pour crier, bien sûr. Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Les femmes dans la rue. Telle une prophétie, les guerrières annoncent le mouvement de libération des femmes. À l'Arc de Triomphe, le 26 août 1970, Monique Wittig est de celles qui déposent une gerbe à plus inconnue encore que le soldat inconnu, sa femme. Elle brandit une banderole, un homme sur deux est une femme, avant d'être arrêtée par la police. Elle signera aussi, aux côtés de Marguerite Duras, Catherine Deneuve ou encore Christine Delphi, le manifeste des 343. J'ai rencontré, moi, Wittig en 73 et ses années d'engagement politique avant 73, elle me les a racontées. Donc, je vous raconte ça, effectivement, de mémoire. Louise Turcotte. De la façon dont elle me l'a raconté. Dès 68, donc, se forment plein de petits groupes de femmes qui ne se connaissent pas nécessairement entre elles. Wittig, elle, fera partie d'un groupe dans lequel elle côtoiera, effectivement, Antoinette Fouque et d'autres femmes féministes. Mais ce groupe-là, pour elle, se réunit, discute, mais je pense que c'est pas nécessairement comme ça qu'elle voit la lutte du mouvement des femmes, puisqu'il faut bien se rappeler, Wittig a écrit Les Guerrières en 69. Ça reste bien sûr pour elle d'abord et avant tout une œuvre littéraire, mais je pense que pour beaucoup qui ont lu Les Guerrières, quand on lit Les Guerrières, c'est presque un manifeste politique. Donc pour elle, dès les années 68 et les années qui suivent où se forment des groupes de discussion, c'est pas tout à fait sa façon de voir un mouvement de libération. Je pense que pour elle, déjà, elle essaie de dire effectivement qu'il faut élargir ce mouvement. Il faut donc sortir de ces groupes de discussion. Je pense que pour elle, le mouvement de libération, ce n'est pas un mouvement de salon. Donc, je pense que dans ce sens-là, elle voit la possibilité d'essayer d'élargir ces groupes et de faire vraiment des actions directes. Seuls dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout, reconnaissons. La politique pour elle, c'était d'abord avant tout de faire un mouvement large avec des femmes et que ça devait être un mouvement qui devait se répandre partout. En France et dans le monde, ben, parce qu'elle avait toujours une perspective internationale. Le premier texte qui a été écrit, le premier manifeste officiel du mouvement de libération des femmes et qui a été publié en mai 70 dans l'Édition internationale, c'est elle qui l'écrit, qui est signé de 4 personnes, mais on sait très bien que c'est Vitil qui le rédige. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. On a décidé de faire une petite manifestation qui partit autour du bassin de Vincennes, qui descendait des grands escaliers, avec des banderoles et des t-shirts avec le poing, et de crier les slogans. Quand on a eu assez été hué et crié dessus, parce que quand on est descendu avec tout notre courage et nos t-shirts et tout ça, et les mecs, il y avait 500 mecs autour du bassin qui criaient à poil, à poil, à poil. Alors il fallait avoir du courage pour leur rentrer dedans, autant dire. Enfin, on leur a quand même rentré dedans. Ils ont été obligés de nous laisser passer et on a défilé en criant avec nos banderoles et nos bannières. On a tourné tout autour, on a crié pendant au moins une heure, tu vois. Faire une espèce de, c'était une démonstration, je t'assure, au milieu de tous ces mecs, finalement, on les a fait taire. Et c'était vachement dur. Et puis, il me semble que quand on les a vus, tu sais, qu'ils nous ont crié à poil, à poil, à poil, il me semble qu'on a chanté quelque chose et je ne peux plus me rappeler ça. Ce qu'on a chanté, on a chanté un seul cœur quelque chose. Ça, c'était vraiment, il fallait répondre d'une façon violente. Mais je ne peux plus me rappeler quoi. Ça peut être juste un souvenir. Il n'y avait pas de chanson encore déjà. Non, alors je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce qu'on a crié. On a dû crier quelque chose. Les reins, la nuque, la gorge, la tête, les chevilles. La langue, l'occiput, les chines, les flancs, le nombril, le pubis, le corps lesbien. Bien sûr, elle fera partie du premier groupe qui va s'appeler le phare. Elle fera partie du phare, donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire en 71. Et il faut se rappeler que c'est un des premiers groupes où la parole des gays et des lesbiennes se fera entendre, fera des manifestations. Et aussi, faut comprendre, et ça, je pense que c'est aussi important, parce que dans l'histoire du phare, je pense qu'on a longtemps laissé de côté le fait que ce groupe a d'abord été fondé par des lesbiennes. Et donc, le phare se réunira, Wittig en fera partie, mais au bout d'un certain temps, je pense qu'effectivement, l'arrivée de beaucoup d'homosexuels fera qu'elle se sentira plus à l'aise dans ce groupe-là et va quitter le phare pour faire partie d'un autre groupe qui va s'appeler les Gouines Rouges. Donc, ce qu'on voit, en fait, ce qui est évident, c'est que dès les années 70, pour elle, c'est extrêmement important de se positionner comme lesbienne, mais comme une position révolutionnaire. Et je pense que ça, c'était déjà dans son esprit dès le début des années 60, dès le début des années 70. Et moi, effectivement, les Gouines Rouges vont exister à peu près 2 ans. Et donc, elle va aller plus dans un autre groupe qui qui va s'appeler les féministes révolutionnaires. Et les féministes révolutionnaires vont regrouper effectivement plein de ces petits groupes dont je parlais au début des années 60, dont le groupe FMA, dans lequel faisait partie Christine Delphi, Anne Zelinsky et tout ça, et plein d'autres femmes qui vont joindre effectivement les féministes révolutionnaires dès 73. Donc, on parle vraiment là, à partir du moment où moi j'arrive à Paris, j'arrive effectivement chez les féministes révolutionnaires. Et c'est de ce groupe dont Monique Wittig se sentira le plus proche politiquement, effectivement, jusqu'en 1975. Dans cette géhenne dorée à dorée noire, et tes adieux, ma très belle, ma très forte, ma très douce, ma plus aimée, à ce qu'elle nomme l'affection, la tendresse ou le gracieux abandon, ce qui accourt ici, pas une l'ignore, n'a pas de nom pour l'heure qu'elle cherche. 1983, Signe Guérin et Eugénie Koeffler signent un atelier de création radiophonique sur France Culture, J.E., adapté du Corps lesbien de Monique Wittig. Ce dont je me désintéresse assez complètement. La façon dont elle traite même le lesbianisme, j'appelle ça le lesbianisme, mais comme elle dit, ce dont il s'agit ici n'a pas de nom pour l'heure, c'est, et moi, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a vu avant. C'est d'ailleurs, bon, quand on parle du corps lesbien, toutes les réactions, c'est... c'est Claudine Chonnaise, je crois, qui dit « Les homosexuels mâles semblent bien tendres et fragiles à côté de ces lesbiennes de Wittig. » ça va vraiment à l'encontre de tout le thème saphique, le truc un peu doucereux, truc d'adolescente, etc. Et puis parce que ce qu'on peut appeler le lesbianisme, pour dire vite, c'est un point de vue sur le monde. Un point de vue pour lequel l'hétérosexualité, et surtout l'hétérosocialité, ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi que de ce qu'il y a de sexe, que l'oppression des femmes ne va pas de soi. Ça me semblait unique. La dévoration par les vers, ton crâne ouvert, tout lui sera également insupportable. Je crois que ce qui est très important quand, chez elle, je me la rends tellement précieuse, c'est aussi la façon dont politique et poétique sont imbriquées subtilement comme ça. Pour elle, elle parle de plastique de la réalité, du plastique de la réalité. Enfin, en quelque sorte, elle dit que notre réalité est façonnée par notre langage, par notre. Évidemment, si on arrive à dire que la bisexuation ne va pas de soi, à le faire percevoir, on transforme quelque chose de notre réalité. Et donc, elle est très attachée à ça, et c'est de cette façon-là que le politique et le littéraire sont liés. Bon, c'est ce qui est vraiment manifeste, c'est son travail sur le genre grammatical. Elle dit que le genre grammatical, c'est l'indice linguistique de l'opposition politique entre les deux sexes, ou la marque au fer rouge de l'ennemi. Quand elle est un peu genre. Voilà, la marque au fer rouge. Bon, voilà. Eh bien, il y a déjà dans le Poponax une universalisation d'un point de vue particulier. Bon, ça a bien été perçu comme quelque chose, le Poponax, très nettement, comme quelque chose d'une généralisation. Et donc c'est quand même très réussi, parce que cette petite fille, bah, d'abord c'est une fille, hein, et bien même Claude Simon dit, quand je lis ça, Je ne lis pas l'histoire de Catherine Legrand, je suis Catherine Legrand, je suis une petite fille. Parce qu'on est dans un enregistrement comme ça, il n'y a pas de jugement dessus. Elle arrive quand même là à faire de cette petite fille, cette petite lesbienne, plus quelqu'un d'un point de vue universel. L'Opoponax qui a eu le prix Médicis en 1964 et qui a eu une excellente presse, grâce effectivement à l'engagement de Marguerite Duras, de Simon, etc., pour défendre ce livre. Suzette Robichon. Donc il a été traduit, je crois, je l'ai indiqué quelque part dans un des articles, une vingtaine de langues, effectivement, peut-être un petit peu moins. Mais, c'est-à-dire que l'engouement qu'il y a eu pour l'Opoponax ne se reporte pas sur les ouvrages suivants, bien qu'on soit toujours chez Minuit. Quand sortent en 69 Les Guerrières et en 73 Le Corps Lesbien, la réception n'est pas exactement la même. Les Guerrières, bon, on s'est c'est parfois vu comme exaltation du elle, justement, du féminin, alors qu'elle est à l'encontre de tout ce qui est féminin. Quand sort Le Corps Lesbien avec cette jaquette qui commence par Le Corps Lesbien et qui est ensuite toute une énumération, Le Corps Lesbien, la cyprine, la bave, la salive, etc., et qui se termine au dos par voilà, l'occiput, l'échine, les flancs, le nombril, le pubis, Le Corps Lesbien. C'est évident que c'est un choc. Enfin, c'est un choc pour nous. Là, j'emploie un nous lesbiennes assez large parce que c'est la première fois qu'on a un ouvrage qui porte ce titre, enfin qui porte ce titre-là, mais qui l'affiche et qui, en même temps, dans la couverture, c'est pas, on n'est pas dans Bility, c'est toute la littérature fin de siècle ou autre qui fait des lesbiennes l'amour du féminin, l'amour de la même, l'odeur de gynécée, etc., etc. On est tout à fait dans autre chose, en particulier dans l'écriture. Donc, ça, les critiques vont vraiment le prendre comme ils vont prendre ensuite Juna Barnes. On pourrait citer ce que Wittig écrit sur Juna Barnes, c'est-à-dire le prendre comme un ouvrage d'une lesbienne. Et donc, automatiquement, on n'est plus dans l'universel, on est dans le particulier. Pour moi, quand j'ai ouvert cette porte-là, chez les féministes révolutionnaires, je pense que cette porte s'est ouverte non seulement sur un monde nouveau pour moi, mais devant cette personne-là, Wittig, qui dégageait effectivement un tel... une description, enfin, une telle énergie, une énergie telle positive, une énergie qui arrivait à toi et qui te faisait sentir qu'effectivement que tout était possible. Je pense que pour moi, c'est ça. J'ai devant moi une personne qui n'est absolument plus dans les schèmes traditionnels qu'on a dans la société. C'était complètement une personne qui transpirait la liberté d'être. Je pense que c'est ça. Et c'est ça qu'elle m'a transmis, la possibilité d'être ce qu'on veut être. En ce moment, il y a des affiches dans le métro qui sont assez insupportables. Les hommes aimeront la plage cette année, ou bien il y a l'année de la femme, tout ce genre de trucs-là. Et c'est pas ce qui me paraît le plus récupérateur parmi les thèmes qu'on a, tu vois. C'est pas ce qui me paraît le plus dangereux pour nous. Le plus perfide, c'est ce que nous développons nous-mêmes. Cette espèce de nouvelle féminité qui est soi-disant une libération, mais qui est une régression, en fait. Mm-hmm. Et moi, j'ai un malaise là-devant qui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas nouveau, c'est un vieux truc qui date de longtemps, peut-être même d'avant le patriarcat. Quelquefois, je me dis que c'est ça qui a donné le patriarcat, c'est la division entre les femmes, tu vois, qui a eu un jour une division vraiment très importante entre les femmes, qui en avait qui pensaient qu'être mère, c'était la chose la plus importante. Mm-hmm. Hein? C'était les fameuses religions des grandes déesses, les mères et tous ces machins-là. Ouais. Et puis, il y avait les Amazones. Mm-hmm. Et ces femmes-là, ça veut pas dire... elles étaient des mères aussi. Mm-hmm. Elles avaient des enfants, des petites filles, tout ce que tu veux. Mm-hmm. Mais c'était pas là qu'elles puisaient leur identité. On oublie toujours que l'androgyne vient pas des hommes, mais des femmes. C'est ça, tu vois. Moi, je suis sûre que... Regarde un peu, quand tu relis l'histoire ancienne et que tu relis les histoires des Grecs et tout ça, quand est-ce qu'on a commencé à parler d'androgyne? À partir de Platon. Il y a bien longtemps que les Amazones avaient existé, avaient envahi Athènes, avaient développé une forme d'androgyne qui venait d'elles, qui venait de nous. Mm-hmm. Tu vois, je crois que c'est ça qu'on est en train de rechercher péniblement et douloureusement. C'est une forme d'androgyne qui peut apporter à toute l'humanité, d'ailleurs, en passant. Oui. Et je regarde ça maintenant, j'essaie de... C'est la première fois qu'elle discute, effectivement, à la fois de sa venue en écriture et de, du début de l'existence du mouvement lesbien, puisque il faut se rappeler qu'on est en 75 et que donc on est au moment où le Front lesbien international était en train de préparer une grande réunion qui devait avoir lieu justement à l'été 75. Donc on était dans un esprit où pour elle, enfin, pouvait exister un mouvement de lesbiennes internationales et un mouvement de ce que ça voulait dire effectivement qu'être lesbienne. Et je pense que c'était aussi pour elle le début de, d'une réflexion qu'est-ce que ça voulait dire être lesbienne. Je pense qu'à ce moment-là, déjà, il y a la question, effectivement, des catégories hommes-femmes avec lesquelles elle n'était pas du tout à l'aise, puisqu'elle, bon, au début, elle parle d'androgyna. Je pense qu'elle va très vite abandonner ce concept pour, après ça, arriver avec le concept, effectivement, de la décatégorisation des hommes et des femmes. Mais à ce moment-là, je pense que c'est déjà ça émerge dans sa tête. Et déjà émerge dans sa tête, puisqu'elle dit, effectivement, puisque le film finit en disant, ben, ce qu'il nous faut, ce qu'on est en train de chercher, ça doit servir à tout le monde. Et je pense que c'est dans ce sens-là où elle dit déjà qu'effectivement, le positionnement est des lesbiennes par rapport à la critique, effectivement, dans la société dans laquelle on est, c'est pas juste pour les lesbiennes, c'est les lesbiennes doivent apporter un changement pour tout le monde. Je pense que c'est ça aussi qui va, après, la guider dans son œuvre théorique qui va commencer vers les années 78. Je pense que pour Wittig, je pense qu'il faut peut-être revenir au fait que Wittig, dans le mouvement, avait choisi de s'appeler Théophano. Donc, elle avait choisi dès 69 un autre prénom et il était clair à l'époque qu'il y avait d'un côté son travail littéraire comme écrivain et elle était dans les groupes comme une personne politique. Tout simplement, je ne l'ai jamais vue se présenter dans aucun groupe politique à lequel j'ai assisté avec elle, comme Monique Wittig. Se nommer, c'est se présenter au monde comme oui. Ça, il y a un enjeu. Oui, voilà, bien sûr. Mais si elle préférait se faire appeler Théo que Monique... J'allais dire, quelque part, je peux le comprendre. Non, je veux dire, c'est important de se nommer soi-même. Ça fait partie aussi de nombreux projets, en particulier de féministes autres américaines. Namaskar Shaktini, qui a fait sa thèse sur Monique Wittig, ne s'appelait pas Namaskar Shaktini, elle s'appelait Margaret Stephenson en tant que signataire de fameux manifeste dans l'idiot. Puisqu'aux États-Unis, on peut changer de nom ou autre. Se donner le droit de se nommer soi-même est important aussi. Il y a comme une ironie en plus dans ce surnom. Théo, il y a une référence à Dieu, alors on imagine bien qu'elle est... Elle n'est pas spéciale, oui, elle est athée. Il n'y a qu'à lire le brouillon. Donc, il y a même un peu une plaisanterie là-dedans, on a l'impression. Peut-être. Je préfère ne pas parler de ce... Voilà, faire des suppositions, on peut en faire, mais non. Les puissants de ce monde sont hostiles aux chevaliers errants. Ils nous persécutent parce que nous sommes le seul obstacle à leur pouvoir absolu. Mais qui sont-ils? Quand les as-tu rencontrés? Cite-moi au moins un nom. Eh bien, moi, je les appelle des géants. Et toi, des monstres. Je te le dis, pense. Il faut tuer l'orgueil dans les géants. Si tu ne te souviens pas, « Invente », écrit Wittig. 1985, Sandy Zeig, compagne de Monique Wittig, incarne un Quichotte revisité sur les planches du théâtre du Rond-Point. C'est le voyage sans fin, pièce qu'elles pensent ensemble. Elles vivent aux États-Unis depuis 1976. Mais 10 ans auparavant, avant leur exil états-unien, elles coécrivent « Brouillon pour un dictionnaire des amantes ». Sandy Zeig, depuis Tucson, Arizona, nous raconte. « Quand j'ai rencontré Monique Wittig, elle était en négociation avec Grasset pour un livre sur l'homosexualité féminine. Elle avait longtemps envisionné d'écrire un dictionnaire féministe. Ensuite, le concept a changé et nous avons alors parlé d'un dictionnaire lesbien. Elle m'a demandé si je voulais l'écrire avec elle. Comme je n'étais pas écrivain, je lui ai demandé « Pourquoi moi ?» Elle m'a dit qu'après les lettres que je lui avais écrites, elle considérait que j'étais écrivain. Puis, elle m'a dessiné un bonhomme bâton avec des cheveux bouclés, comme dans les bandes dessinées, avec une boule répétant ma question. Moi, un livre, pourquoi, please? C'était une invitation dans le style unique de Monique Wittig. Nous sommes allés en Grèce pour écrire ce livre qui était finalement le brouillon pour un dictionnaire des amantes. Nous avons visité des nombres d'îles avant de nous établir à Saint-Orin en juillet 1975 à Ia où nous vivions en haute de la falaise. C'est l'un des plus beaux moments de nos vies. Nous construisions une utopie lesbienne, mot par mot, concept par concept. C'était le monde dans lequel nous étions émergés. Les Amazones étaient nos ancêtres et le patriarcat se trouvait dans la bibliothèque, dans la collection de fragments du passé. Nous avions pris très peu de livres avec nous. The Mothers and Amazons de Helen Diner, The Golden Bough de Sir James George Frazer, un recueil de poèmes de Sappho en français, La Bible, un livre de Robert Graves et l'histoire de Hérodote. Nous écrivions des courts passages pour notre dictionnaire. Nous choisissons des mots que nous aimions. Nous les écrivions soit ensemble, soit seuls. Nous avions l'habitude de travailler toute la nuit et dormir toute la journée. Il y a deux raisons au fait que ce soit un brouillon. La première chose, c'est dire brouillon pour un dictionnaire, ça indique que tous les dictionnaires qui se présentent comme autre chose que des brouillons mentent. Anne Garetta. Parce qu'ils imaginent que ce dont ils parlent est clos, terminé et achevé. Imaginez si Larousse sortait brouillon pour un dictionnaire de la langue française, ou si l'Académie française admettait enfin qu'elle est incapable de faire autre chose qu'un brouillon. Donc ça, c'est ce premier geste, c'est une culture non close. C'est que l'objet de ce dictionnaire est non clos. Et puis c'est aussi que pour vraiment faire un dictionnaire des amantes, il faudrait que les amantes aient une sorte de langue nationale, qu'elles existent à l'état de nation, même sans territoire. Or, ce que dit le dictionnaire de Monique Wittig et Sandy Tsang, et dans Brouillon pour un dictionnaire des amantes, c'est que cet état politique des amantes n'est pas encore advenu. Il est désirable. Donc on peut l'anticiper sous la forme du brouillon d'un dictionnaire à venir, ou du brouillon pour un dictionnaire à venir. Ce qu'il faut voir, effectivement, les textes théoriques de Wittig, elle en a écrit très peu, elle en a écrit 6. Et chacun, effectivement, est une pierre sur sa visée politique qui doit être, d'abord et avant tout, de dénoncer le contrat social de l'hétérosexualité, dénoncer le carcan dans lequel, effectivement, toutes les sociétés vivent sous le régime politique de l'hétérosexualité. Jusqu'à présent, effectivement, l'oppression des femmes du féminisme matérialiste. Je pense qu'on a, avec Nicole-Claude Mathieu et Colette Guillaumin, qui ont été les premières à essayer de décatégoriser les catégories naturelles hommes-femmes en disant qu'effectivement, les catégories de sexe sont des catégories sociales, d'abord et avant tout, dans lesquelles, effectivement, une classe dominante, que sont les hommes, domine la classe des femmes. Et ça, c'est une organisation politique. Guillaume amène effectivement la notion d'appropriation privée et d'appropriation collective comme étant la façon dont les hommes s'approprient des femmes. Ça, ce sont des avancées théoriques du féminisme matérialiste qui vont, et elle le dit très, très clairement, toujours, je pense que Wittig s'est toujours référé effectivement aux analyses du féminisme matérialiste pour dire, bon, bien maintenant, essayons d'aller un peu plus loin. C'est non seulement des catégories sociales, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut même questionner l'existence même des catégories. Comment se fait-il que toute la pensée, toutes les sociétés se sont basées sur ces deux catégories et qu'on en a fait effectivement des catégories immuables et inquestionnables? Je pense que c'est ça, l'idée révolutionnaire que Wittig a apportée à l'ensemble du mouvement féministe. En 1978, Monique Wittig donne une conférence à la Modern Language Association à New York. Elle théorise ce qu'elle a expérimenté dans la langue. Elle explique comment, pourquoi, vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité, et comment les lesbiennes échappent à ce contrat social. Elle conclut par « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». C'est une onde de choc. Ce discours deviendra un article dans la revue Questions féministes en France. Et cette phrase, très controversée, provoquera une scission dans la revue et une rupture au sein du mouvement féministe. On la trouve trop radicale. Elle est évincée. Est-ce que Wittig, mais ça, moi je ne peux pas parler à la place de Wittig, voulait être reconnue en tant qu'écrivain? Je pense que oui, fondamentalement. Elle l'a été. Ce qui est important de dire là, Sam Boursier, ça me vient en parlant avec vous, hein, c'est que je pense qu'il n'y a pas plus grande violence, enfin pas plus grande, c'est une grande violence que d'être rejeté par ses collègues ou ses amis politiques. Et c'est horrible. Parce que pas être reconnu par l'État quand vous êtes lesbienne matérialiste ou marxiste, bon, c'est logique, voire c'est désiré, quoi. Le prix des terres, ça se discute. Bon, clairement, et je pense qu'elle n'avait pas tort, elle voulait, c'est tout son truc du cheval de Troie, tout son truc d'appropriation. Elle dit quand même que l'universel masculin, c'est un crime, il faut se réapproprier. Elle a toutes ses stratégies de réappropriation, aussi du canon littéraire, de se prendre tout le canon de l'Antiquité à nos jours, et puis tout boulotter là-dedans, enfin, tout renverser, tout. Donc, après, je crois que si on veut, c'est pour ça qu'on est obligé de parler de ce trauma et on voit bien que ça cristallise autour du texte politique. D'accord, il y a l'excuse que la pensée française, on va dire, surtout la pensée anti-féministe et anti-lesbienne, anti-identitaire, anti-communautaire la rejette. C'est logique et ça se poursuit encore maintenant. Mais être rejeté quand on n'est pas beaucoup, non mais je veux dire, c'est d'une violence absolue, quoi. Qu'est-ce qui fait que Wittig est indispensable? C'est un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est de dire qu'il y a une pensée straight. Moi, je pense qu'une des choses les plus fondamentales dont on a encore besoin maintenant, c'est que quand elle écrit la pensée straight, c'est pour dire qu'effectivement, nous avons un cadre discursif, une manière de mobiliser les disciplines, la psychanalyse qu'elle détestait, elle avait bien raison, en France. Et ça aussi, ça produit de la subjectivité, qui est complètement toxique, quoi. Et la pensée straight, on a une discussion au moment où on a fait la traduction, est-ce qu'on traduit par la pensée hétéro, par exemple? Mais on avait peur que ça fasse justement trop homosexuel, hétérosexuel, donc on a mis straight. Puis straight, ça fait rentrer plus de choses. Donc ça, c'est fondamental parce que c'est la remise en cause, vraiment, comment dire ça, c'est plus qu'un cadre de pensée, de notre épistémologie, quoi. Qu'est-ce qu'on mobilise pour penser en France? Le problème, c'est ce que la société française et la culture française font de ce type de positionnement. Est-ce qu'on n'a jamais reproché aux écrivains, aux blaireaux littéraires moyens français, d'être hétérosexuels? Est-ce qu'on l'a réduit à n'être qu'un un gros blaireau hétéro? Le blaireau hétéro pullule dans le champ de la littérature française. Et c'est eux dont la littérature se réduit généralement à une sorte, de fable ou de conte à dormir debout de l'exploit hétérosexuel masculin du blaireau standard. Je ne vous donnerai pas de nom, mais il y en a plein, ça court les rues, ça court le boulevard Saint-Germain, ce blaireau littéraire. Est-ce pour autant qu'on leur reproche d'avoir, que ça leur interdit l'accès à la reconnaissance culturelle, institutionnelle, pour autant? Non, c'est ce que toute la théorie queer dit, comme toutes les théories postcoloniales, les études de genre ou subalternes indiquent, c'est... Il n'y a que le terme marqué à qui on reproche sa marque. L'autre, il ne se sent pas marqué parce que c'est lui qui marque les autres. Donc, le jour où on pourra me dire, ou le jour où on arrêtera, ou le jour où le blaireau hétéro sera perçu comme simplement pour ce qu'il est, à savoir le blaireau littéraire hétéro, alors on me reparlera du fait que Monique Wittig puisse être réduite à un statut d'écrivain femme lesbienne. Voilà. Ça m'avait étonné que dans ce petit fascicule pour les insoumises à la colline, il y ait un extrait des guérillas. Ah oui, les oiseaux, oh, c'est génial. Les oiseaux, les sirènes nageantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements, elles affirment, triomphant, que tout geste est renversement. C'est bien ça, tout geste est renversement. Et sa phrase renverse et son histoire renverse. Et ça, la batterie pouvait m'obliger à le faire dans le jeu. Enfin, nous obliger. C'est des textes qui détournent, qui obligent, qui font avancer, mais dans la langue même. Je veux dire, c'est pas seulement une histoire d'idéologie. Je veux dire ça. Après Wittig, on court derrière elle quand on joue. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu en retard, donc on est essoufflé réellement. C'est ce que je voulais. C'est pour ça que la batterie, enfin, on est essoufflé. Moi là, je m'en suis tenue au texte de Wittig, c'est-à-dire à le jouer. Donc, effectivement, il y a cette citation des guerrières. Je ne m'en suis pas tenue à tout son aspect politique, que les gens connaissaient beaucoup ici en oubliant qu'elle était écrivain. C'est-à-dire en se disant, Wittig, ah ouais, elle est féministe, c'est le mouvement machin, ce qui est très important, mais elle est écrivain, elle a fait des œuvres de littérature. C'est très étrange cette connaissance qu'on a, soit d'un côté, soit de l'autre. Vous le faites plus... Enfin, il n'y a pas de plus ou de moins. Elles ont un côté, je ne sais pas si ce mot colle à Wittig, je dirais une chose, une pudeur flamboyante, voilà. Et c'est peut-être ce qui me les fait cher, A-I et E-R-E, vraiment. Oui, pour moi, ça a été une grande émotion, hein, la découverte de Wittig. J'ai du mal à... Il faudrait que je choisisse un en particulier. Ah, le corps lesbien, c'est tellement... C'est extraordinaire. Je ne sais pas, de dire le plaisir physique, le désir, comme ça, avec cette force et cette poésie à la fois, le fait que ça soit lié à la quête d'une subjectivité. Je ne sais pas, ça m'a fait du bien, parce que c'est beau, je pense, voilà. Virgile, non, aussi, j'aime tellement ça, parce que ça fait rire. Bah, le Poponax aussi, enfin, j'ai du mal à choisir, parce que le Poponax, chaque fois que je l'ouvre, je ris, il y a des choses tellement drôles. Alors ça, je trouve que, en fait, Wittig, elle a quelque chose qui enchante le quotidien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait qu'elle fait. Elle voulait créer un merveilleux quotidien. Elle était absolument athée. Oui, mais ça, j'aime bien aussi ça. Elle était absolument athée. Et puis, une grande sceptique. Bon, le féminin, ça n'existe pas. Les déesses mères, bon, il y en a plein dans les guerrières. Mais c'est une vaste plaisanterie. Mais justement, elle voulait faire du merveilleux quotidien. On voit bien, dans le Poponax aussi, tout est mis au même niveau, mais dans les grilles aussi, hein, un bruit de miction, un caillou, la mort de quelqu'un, un grand combat. Donc tout est... le quotidien est enchanté. Voilà. De tes 10 000 lieux, tu m'en regardes, tu le fais, et c'est moi, je ne bouge pas. J'ai les pieds tout à fait enfoncés dans la terre du sol. Je me laisse atteindre par tes 10 000 regards. Ou bien, si tu préfères, par le regard unique de tes 10 000 yeux. Mais ce n'est pas pareil. Un tel regard immense me touche de toutes parts. j'hésite à bouger. C'était Une vie, une œuvre. Monique Wittig, écrivain lesbienne révolutionnaire. Tu penches tes yeux à l'oblique par rapport à la lumière. Avec Catherine Carnot, Isabelle Lafont, Louise Turcotte, Suzette Robichon, Anne Garetta et Sam Bourtier. Tes yeux ne sont pas visibles. Avec des extraits d'enregistrements inédits de conversations de Josie Thibault avec Monique Wittig grâce à Suzette Robichon. Je suis muette dans ce désert. Extrait d'entretien filmé de Monique Wittig par Louise Turcotte. Texte lu par Isabelle Lafont et Agathe Chouchan. Je suis seule. Archivina, Linda Simon, attachée d'émission, Claire Poinsignon, coordination, Irène Omelianenko. Je tremble. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Clément Salzar, réalisé par Guillaume Baldi. C'est la musique des yeux, dis-je à moi-même. Soit qu'ils s'entrechoquent doucement et avec violence, que par eux-mêmes ils produisent et sont nombreux. Je plonge à plat ventre, devant, derrière, de ce côté ou de l'autre. Je gesticule de façon désordonnée, le temps de comprendre que je ne peux pas échapper à la multiplicité de tes regards. Où que je sois, tu me regardes, mon ineffable, de tes 10 000 lieues. La poitrine, les seins, les fesses, les coudes, les jambes, les orteils, les pieds, les talons. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 mars 2018. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.